On va ouvrir d'abord le bulletin de sport local et régional en parlant d'abord de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Les Saguenay de Chicoutimi qui ont perdu à deux reprises au cours du week-end. D'abord, ils ont perdu 3-2 contre le Drakkar de Baie-Comeau. Pour les Saguenay, Nicolas Roy a dirigé l'attaque des Sags avec un but et une passe. Et il y a Dimitri Zoukenov qui a aussi marqué dans la partie. Frédéric Allard a amassé deux passes dans la rencontre. Et vendredi, les Saguenay de Chicoutimi ont perdu 4-1 contre les Moussettes d'Halifax. Il y a Mathieu Desgagnés qui a marqué un but dans la partie. Les Cataractes de Shawinigan ont perdu 3-2 contre les Remparts de Québec. Samuel Girard a marqué un but dans la rencontre. Maintenant, les Huskies de Rouyn-Noranda étaient dans les Maritimes en fin de semaine. Et deux défaites pour les Huskies. Et d'abord, ils ont perdu 4-3 contre Moncton. Et ils ont perdu 3-2 contre Charlottetown. Ligue nord-américaine de hockey, les Marquis de Jonquière ont gagné 4-2 sur Sorel-Tracy. Jean-Michel Malouin a marqué un but et une passe et Christian Ouellet a marqué un but. Maintenant, autre victoire des Marquis, 5-1 contre Saint-Georges-de-Beauce. Un but, une passe pour Christian Ouellet, Stéphane Chaput et Jean-Simon Allard. Alexandre Quesnel et Jonathan Paiement ont aussi marqué dans la victoire. Maintenant, au junior régional, c'était le tournoi Mario Tremblay au cours du week-end. Les Sabres de Roberval ont perdu 8-1 sur la Fontaine Bellechasse et ils ont également perdu 6-1 contre les Éclairs de Monteuil. Les Éperviers de Normandais, tant qu'à eux, ont gagné 2-1 contre la Fontaine La Chasse et ils se sont inclinés 4-1 contre les Éclairs de Monteuil. Ligue Bantam Régional, 2 victoires sur 3 pour les Rapides de Beaucigny. Ils ont gagné 7-4 contre les Vikings de Baie-Comeau. Par contre, ils ont perdu 4-3 contre les Basques de Sept-Îles. Il y a les Ambassadeurs de Chicoutimi qui ont perdu 16-4 contre les Saguenay de Chicoutimi et ils se sont également inclinés 9-1 contre ces mêmes Sags. Et il y avait beaucoup de patinage de vitesse sur courte piste en fin de semaine. Il y avait une compétition à Sherbrooke et à Donnacona. À Sherbrooke, c'était le circuit élite et Rosalie Tremblay de Saint-Félicien a terminé en 10e place. Claudia Gagnon a terminé en 11e place. Il y a Maud Tremblay de Debout-Mississigny qui a pris le 15e rang. Et Karina Momigny, le 22e rang. Maintenant, notez que Flavie Laroche-Roy a terminé en 23e place. Marianne Gay de Saint-Félicien en 25e position. Mélina Tremblay de Saint-Félicien a terminé en 34e place. Et Emmanuel Simpson a fini en 36e place. Il y avait une compétition interrégionale qui se déroulait à Donnacona. Notons la 10e position chez les garçons de Louis Moisan de Saint-Félicien. Groupe 3 garçons, Nicolas Tremblay de Saint-Félicien, toujours à Donnacona, a terminé en 2e place. Et notons que Simon Simard a terminé au 14e rang. Groupe 4 garçons, Arnaud Bouchard a terminé en 5e position, il est de Dolbeau-Mississigny. Mathieu Collard de Saint-Félicien, 13e place, et David Bouchard en 24e position. Et maintenant, en groupe 2 chez les filles, Adrienne Desbiens-Senneville a pris le 8e rang. Kiera Pagé, le 10e rang, elle est de Saint-Félicien. Et notons également que Joël Benoît a pris le 13e rang. Le sport local et régional, atteindre du sport.com, la référence du sport, on s'en occupe.